Al-Jibriya. Ils sont en français, on pourrait dire Jibrit ou Jibriya. Al-Jibriya min al-Jabr. Mina al-Jabr. Entre autres, beaucoup de savants disent que le premier qui a propagé la croyance qu'on appelle Al-Jibriya, c'était Ja'ad ibn Dirham, l'un des fondateurs. L'un des fondateurs, justement, et des leaders de cela. Plus tard repris par Jahm ibn Safwan. Et donc, de ce fait, le Jahmiya, dans la question concernant la question du Qadr, ils sont Jibriya. Jibriya. Jibriya, yani, dans le sens que l'individu n'a pas de libre arbitre. Pour eux, Al-Jibriya, c'est un autre extrême. Ils considèrent que l'individu n'a pas le choix. Ce qu'il fait, c'est prédestiné, mais eux, ils ont cru en cela de manière exagérée et tombé dans une forme de relou ou al-mubalara. De sorte que pour eux, le serviteur, il est mujbar, il est contraint, il n'a pas de choix et de libre arbitre. Et c'est ça qu'on appelle Al-Jibriya. C'est ça qu'on appelle Al-Jibriya. Eux, à l'inverse, Al-Qadariya, comme on avait expliqué dans les assises précédentes, Al-Qadariya, pour eux, c'est l'individu qui fait. Et c'est l'individu lui-même qui crée ses actions et qui fait ses actions. Donc il les fait, et cela indépendamment de la volonté du Créateur. Indépendamment, istiqlalan. Indépendamment de la volonté du Créateur. Donc lui-même, pour eux, Al-Qadariya, les négateurs du destin, ils considèrent que celui, l'homme, lorsqu'il fait, lorsqu'il œuvre, c'est lui qui crée ses œuvres. C'est lui qui crée ses œuvres. Ça, il faut le comprendre pour comprendre ce que va dire l'auteur. Entre autres, il dit, puisqu'on est dans le qisme thalith, entre Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, hadha an-naw' lahum naw' min al-ibada bila isti'ana. Bila isti'ana. Donc ils ont une part d'adoration sans isti'ana. Parmi eux, il dit al-qadariya. Pourquoi? Parce qu'il dit, c'est pourquoi il n'y a rien à ajouter à son destin en vue de l'aider dans ses actions. Pourquoi? Puisque eux, ils réfutent que les œuvres soient prédestinées et décrétées par Allah subhanahu wa ta'ala. Puisque c'est l'individu qui a créé ses œuvres et qui est à la base de cela et qui les fait indépendamment de la volonté du Créateur. Donc, ça n'a pas été prédestiné. Donc, de ce fait, la yasta'inuna billahi azza wa jal. De ce fait, ils ne demandent pas l'aide d'Allah. Pourquoi? Parce que pour eux, ils sont eux les créateurs de leurs actes. Wadah al-kalam, vous comprenez? Et là, vous allez mieux comprendre lorsque l'auteur dit, il considère que Allah lui a déjà offert son aide en créant en elle les outils indispensables à son fonctionnement et en la rendant saine. Il lui a montré le droit chemin par le biais de la mission des prophètes. Il l'a de surcroît pourvu de la capacité d'action, ainsi, elle n'a plus besoin de solliciter son aide. Vous comprenez? Ainsi, pour eux, elle n'a plus besoin de solliciter son aide. Allah délaisse les partisans de cette tendance. Quelle tendance? Al-Qadr, Al-Qadariya. Il sous-entend les négateurs du destin. Donc Allah, subhanahu wa ta'ala, du fait qu'il lui demande pas son aide, il les délaisse. Et ensuite, ils sont livrés à eux-mêmes. Makhzouloun. Mawkoulun ila anfusihim. Kama qala al-musannif. Regardez, vous allez mieux comprendre. Qala al-musannif rahimahullah. Wa hawla makhzouloun. Mawkoulun ila anfusihim. Mazdoudoun alayhim tariq al-isti'anati wa al-tawhid. Et donc, de ce fait, du fait qu'ils n'implorent pas l'aide, pourquoi? Puisque eux, ils considèrent déjà qu'ils ont eu l'aide d'Allah, qu'Allah les a déjà aidés en créant, bien sûr, en eux, justement, qu'Allah les a déjà aidés en créant en eux, en elles, les outils indispensables à son fonctionnement et en la rendant saine. Et donc, il lui a montré le droit chemin par le biais de la mission des prophètes. Il a de surcroît pourvu de sa capacité d'action, ainsi, elle n'a plus besoin de solliciter son aide. Pour cela, il ne sollicite pas l'aide. Et donc, Allah Azzawajal, de ce fait, les a délaissés et les a laissés livrés à eux-mêmes. C'est ça le sens de وهؤلاء مخذولون موكولون إلى أنفسهم مسدودون عليهم طريق الاستعانة والتوحيد طريق الاستعانة والتوحيد. ثم ذكر آثار ابن عباس رضي الله تعالى عنه أو عنهما الإيمان بالقدر نظام التوحيد، فمن آمن بالله وكذب بقدره نقض تكذيبه توحيده. Ensuite, c'est là qu'il a mentionné d'une manière très pertinente, l'auteur mentionne le athar qui est rapporté d'après Abdallah ibn Abbas. D'après Abdallah ibn Abbas, dont on avait fait allusion hier et dans de nombreuses assises. C'est un athar qui est immense. Un athar qui est immense. Le sens est très pertinent. Dans une traduction relative, il est rapporté qu'Abdallah ibn Abbas dit « La foi au destin, c'est l'ordre de l'unicité. » Nizam al-Tawhid. Comme si c'est le règlement de l'unicité du Tawhid. C'est la règle. Le règlement. Et les savants dans l'explication, lorsqu'il est dit « Al-imanu bil-qadr nizam al-Tawhid bimarna la yantazim »« Al-imanu bil-qadr la yantazim illa » illa at-tawhid afwan la yantazim illa bil iman bil qadar. C'est comme si que l'unicité elle n'est pas réglementée sans notre croyance au destin au qadar. Nizam al iman bil qadar nizam at-tawhid. Faman amana billahi wa kadhaba bi qadarihi naqada takdhibuhu tawhida. Et il dit ensuite, celui qui a cru en Allah mais démentit la prédestinée, le destin, le décret d'Allah, naqada takdhibuhu. Son démenti va annuler, rendre caduque son monothéisme, son tawhid. Une traduction littérale de la parole, comme elle est traduite ici, la foi au destin, c'est l'ordre de l'unicité. Quiconque croit en Allah sans croire au destin remet en cause son unicité. Il remet en cause son unicité. Certains savants disent que لا ينتظم توحيده. Son unicité n'est pas réglementée. Et il a carrément annulé son tawhid. نقضى. Son tawhid. Du fait qu'il n'a pas cru en la prédestinée. Or, celui-ci, comme il est rapporté dans le récit, la prédestinée, la croyance au destin, c'est le règlement de l'unicité. C'est comme si c'est son ordre. L'ordre de l'unicité. Ce athar qui est rapporté d'après Abdallah ibn Abbas, vous pouvez le retrouver. Il est rapporté par Abdallah ibn Ahmed fi Sunnah, fi Kitab Sunnah. Le fils de l'imam Ahmed ibn Hanbal, dans son livre Sunnah, le rapporte et le mentionne. Aussi d'autres imams comme l'imam al-Lalaka'i fi Sharh i'tiqadi Ahl Sunnah wal Jama'a. L'imam al-Lalaka'i, il rapporte ce athar wa isnaduhu maqal. Mais la chaîne de transmission de cette parole, il y a une réflexion sur la chaîne de transmission. Et certains savants spécialistes la considèrent faible. La considèrent faible comme c'est mentionné fi silsilat al-da'ifa le Sheikh al-Albani, rahmatullahi alayhi. Comme elle est mentionnée dans les chaînes faibles, mentionnées dans le recueil de Sheikh al-Albani concernant les chaînes de transmission ou les récits faibles. Les récits faibles. Sauf que certains savants disent qu'il y a d'autres récits qui remontent, d'autres chaînes de transmission qui le renforcent. Qui le renforcent. Wallahu a'lam. En tout cas, c'est cité, Ibn al-Qayyim relate cela et les savants ont repris cela par rapport à son sens. Le sens est clair, droit et pertinent. Le sens de la parole attribué à Abdallah ibn Abbas. Abdallah ibn Abbas. Donc, du fait qu'ils n'ont pas imploré l'aide du Créateur, Allah les a laissés voués à eux-mêmes. Comme l'auteur il dit ici, وَهَوْلَ مَخْذُولُونَ مَأُكُولُونَ إِلَا أَنفُسِهِمْ. C'est pour ça que le croyant, il a deux besoins. Il a besoin de l'istihana. يَعْبُدُ اللَّهِ وَيَسْتَعِنْ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلْ إِيَّاكَ نَعْبُدْ وَحْدَكَ لَا شَرِكَ لَهِ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ يَجْمَعْ بَيْنَ الْعِبَادَةِ وَالْاِسْتِعَانَةِ المؤمن والمؤمنة المؤمن يجمع بين العبادة والاستعانة والاستعانة فمن عبد الله بلا استعانة فهو من المخذولين والموكولين إلى أنفسهم. ثم قال المصنف رحمة الله عليه والنوع الثاني. النوع الثاني. Maintenant, il y a la deuxième catégorie dans cette troisième catégorie. Ou la troisième sorte, plutôt, dans la troisième catégorie. La troisième catégorie, on est toujours ceux qui ont نوع من العبادة بلا استعانة. On a cité ومن أمثال هؤلاء قسمان أو نوعان. القسم الأول القدرية أو أهل القدر كما قال المصنف. النوع الثاني الذين عندهم عبادة بلا استعانة. النوع الثاني قال من لهم عبادة وأوراد لكن حظهم ناقص من التوكل والاستعانة لم تتسع قلوبهم لارتباط الأسباب بالقدر وأنها بدون المقدور كالموات الذي لا تأثير له بل كالعدم الذي لا وجود له وأن القدر كالروح المحرك لها والمعول على المحرك الأول فلم تنفذ بصائرهم من السبب إلى المسبب ومن الآلة إلى الفاعل فقل نصيبهم من الاستعانة ثم قال وهؤلاء لهم نصيب من التصرف بحسب استعانتهم وتوكلهم ونصيب من الضعف والخذلان بحسب قلة استعانتهم وتوكلهم ولو توكل العبد على الله حق توكله في إزالة جبل عن مكانه لأزاله فإن قيل ما حقيقة الاستعانة عملا قلنا هي التي يعبر عنها بالتوكل وهي حالة للقلب تنشأ عن معرفة الله تعالى وتفرده بالخلق والأمر والتدبير والضر والنفع وأنه ما شاء كان ومن لم يشاء لم يكن فتوجب اعتمادا عليه وتفويضا إليه وثقة به فتصير نسبة العبد إليه تعالى كنسبة الطفل إلى أبويه فيما ينوبه من رغبته ورهبته فلو دهمه ما عسى أن يدهمه من الآفات لم يلتجي إلى غيرهما فإن كان العبد مع هذا الاعتماد من أهل التقوى كانت له العاقبة الحميدة كما قال جل وعلا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه هذا فيما يتعلق بالقسم الثالث. Donc je vous traduis littéralement la fin de la troisième catégorie concernant la deuxième sorte. On est toujours dans la troisième catégorie, ceux qui ont une part d'adoration sans l'aide, sans la demande d'aide. On a cité premièrement la première sorte, c'est le Qadariya. Et deuxièmement, regardez ce qu'il dit. Man lahum ibadatun wa awrad. Man lahum ibadatun wa awrad. Dans une traduction, il est dit, ce sont les dévots qui sont diminués au niveau du tawakkul et de l'istihana. Ne tiennent pas compte des causes à l'origine du destin. Ils ne tiennent pas compte des causes à l'origine du destin. Ils considèrent qu'elles n'ont aucune influence sur le destin, tel un cadavre ou le néant. Ils comparent le destin à une âme qui anime la création ou à un soutien au premier moteur. Et ne font pas le lien entre la cause et son auteur, entre l'instrument et le créateur. Ils sont ainsi diminués au niveau de l'istihana, de la demande d'aide. Ces gens-là jouissent, cette catégorie-là de gens, jouissent du soutien du Seigneur en fonction du tawakkul et de l'istihana qu'ils décèlent en eux. Mais ils sont voués à l'abandon en fonction de leur carence en ces deux niveaux. Voit ces deux niveaux. L'individu qui s'en remet à Allah, comme il incombe, est capable de soulever les montagnes. Ça, c'est une traduction relative de ce que mentionne l'auteur. قال صاحب كتاب إفادة المستفيد قال النوع الثاني من لهم عبادة وأوراد ولكن حظهم ناقص من التوكل والاستعادة بمعنى قال وهؤلاء أخف من القدرية عندهم عبادة وعندهم نوع من الاستعانة في بعض الأمور ولا يستعينون بالله في كل أمورهم فعندهم نقص في الاستعانة والتوكل على الله عز وجل. Cette catégorie-là, cette deuxième sorte, elle est moindre. Elle est moins grave, elle est moindre que la première catégorie, qui est Al-Qadariya, Nufat Al-Qadar. Elle est moindre. Eux, les savants expliquent, et l'auteur souligne ici, qu'ils adorent. Ils ont une part d'adoration. Ils adorent, mais ils ont une déficience, un naqs, dans ce qu'on appelle Al-Isti'ana, dans la demande d'aide. Pourquoi ? Parce que c'est dû à un naqs de tawakkul. Ils ont un manque de tawakkul. Donc ils ont l'adoration, ils ont l'ibada. C'est pour cela que cette catégorie, elle est moindre, elle est moins grave que la catégorie précédente, Al-Qadariya. Cette catégorie-là, eux, ils ont l'adoration, mais ils ont un manquement dans l'istirana. Ce manquement, il est lié à leur manque de tawakkul. À leur manque de tawakkul. C'est-à-dire la confiance qu'ils placent en leur créateur. Subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que vous pouvez voir que yasta'inuna billah, ils ont l'istirana au sujet de certaines choses, mais pas dans toutes leurs affaires. Ils implorent pas l'aide du Créateur dans toutes leurs affaires, mais ils implorent l'aide du Créateur pour certaines affaires. Et cela, c'est dû à un manque de التوكل. كما قال فعندهم نقص في الاستعانة والتوكل على الله سبحانه وتعالى. فقل نصيبهم من الاستعانة. Et donc, de ce fait, leur part de istirana, on peut maintenant rester sur le terme en arabe, hein, demande d'aide, elle est naqisa. Elle est déficiente. Elle est déficiente. Et il y a un manquement. يعني هؤلاء قال صاحب كتاب إفادة المستفيد il dit يعني c'est-à-dire هؤلاء ليسوا محرومين من الاستعانة لكنهم مقصرين فيها. Il dit c'est-à-dire que eux, ils n'ont pas été privés d'istirana, mais ils sont déficients. Ils ont un manque dans ce domaine-là. Ils ne demandent pas assez l'aide d'Allah, Azza wa Jal. Ils ne demandent pas l'aide d'Allah dans toutes leurs affaires. Pourquoi ? C'est quoi la cause ? C'est parce qu'ils ont un manque de tawakkul. C'est lié à leur confiance qu'ils placent en Créateur, subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça qu'ensuite il dit « وَلَوْ تَوَكَّلَ الْعَبْدُ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِ فِي إِزَالَةِ جَبَلٍ عَنْ مَكَانِ لَأَزَالَهُ » C'est pour ça que l'auteur, regardez à la fin, qu'est-ce qu'il dit du passage. Il dit, pourquoi ? Parce que le serviteur, s'il avait vraiment la pleine confiance, cette confiance qu'il place en son créateur, s'il voudrait bouger plutôt, s'il voudrait bouger une montagne de sa place, il le ferait. Celui qui a un vrai tawakkul à Allah, il dit, celui qui à la pleine confiance, qui s'en remet véritablement à Allah Azza wa Jal, et dit s'il voudrait bouger une montagne de sa place, il le ferait. Par ce tawakkul. Et regardez, c'est lorsque l'auteur dit وَهَوْلَا لَهُ نَصِيبٌ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ التَّصَرُّفِ بِحَسَبِ اسْتِعَانَتِهِمْ مِنَ التَّصَرُّفِ بِحَسَبِ اسْتِعَانَتِهِمْ وَتَوَكُّلِهِمْ وَنَصِيبٌ مِنَ الضَّعْفِ والخذلان بحسب قلة استعانتهم وتوكلهم ولو توكل العبد على الله حق توكله في إزالة جبل عن مكانه لأزاله لا أزاله. Pour ceux qui suivent en arabe, ils ont mis un ta marbouta, c'est la ha. C'est pas un ta, c'est, vous avez vu, il y a un ta, c'est la ha. La azala. Là, ils ont mis la azalatu. La azalatu. La azala. Dans celle-ci. وَلَوْ تَوَكَّلَ الْعَبْدُ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ فِي إِزَالَةِ جَبَلٍ عَنْ مَكَانِ لَا أَزَالَهُ. Et là, c'est une parole très pertinente. Et donc, l'auteur, il dit, que « وَهَوْلَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ التَّصَرُّفِ بِحَسَبِ اسْتِعَانَتِهِمْ وَتَوَكُّلِهِمْ » Donc, eux, ils ont une part de demande d'aide. Pourquoi ? C'est lié à cette part qu'ils ont, à ce degré qu'ils ont de tawakkul. De tawakkul. Et ils ont un nasib, c'est-à-dire, ils ont aussi une part de faiblesse, de déficience et de khidlan. Et Allah Azza wa Jal aussi peut les laisser livrer à eux-mêmes. Mais ce khidlan-là est lié à cette part de manque de tawakkul et de manque de istihana. C'est proportionnel. Si vous voulez, c'est proportionnel. Cela est proportionnel. وَلِهَذَا قَالَ ثم قال فإن قيل ما حقيقة الاستعانة عملا ما حقيقة الاستعانة عملا Ensuite l'auteur dit quelle est ما حقيقة الاستعانة عملا quelle est la réalité de الاستعانة quelle est la réalité de l'istihana. On pourra dire, quel est le véritable istihana dans la pratique? Dans la pratique. Et là, c'est très pertinent. Pourquoi? Parce que, après qu'on ait parlé de l'ibada et de l'istihana, il y a qu'un arbud ou il y a qu'un istain. Et là, l'auteur détaille bien le sens de l'istihana. Pourquoi il va parler de du véritable sens de l'istihana. Parce que là, on est dans la catégorie de ceux qui ont l'ibada, mais pas d'istihana. Entre la première sorte, al-qadariya, et la deuxième sorte, qui sont moindres, la deuxième sorte est moindre, de ceux qui ont l'ibada, mais une part d'istihana qui est déficiente. Pourquoi ? À cause de leur manque de tawakkul. À cause de leur manque de tawakkul. L'auteur, à ce moment-là, c'est très pertinent. Il va parler de, maintenant, du véritable sens de l'istihana. Ma haqiqat al-istihana. C'est quoi véritablement l'istihana? Et là, regardez ce qu'il va dire. C'est très pertinent. Il va dire, ma haqiqat al-istihana qala qulna hiya allati yu'abbaru anha bit-tawakkul wa hiya halatun للقلب تنشأ عن معرفة الله تعالى. Regardez ce qu'il dit. Il dit, nous répondons, quel est le véritable sens de l'istihana? Il dit, nous répondons, c'est ce que l'on appelle le tawakkul. Vous avez vu, ils font revenir l'istihana au tawakkul. Vous avez vu, l'auteur, comme Salam, l'auteur ici explique le véritable sens de l'istihana en revenant, en l'expliquant cela, en disant c'est ce qu'on appelle at-tawakkul. At-tawakkul. C'est pour cela l'auteur de Ifadat al-Mustafid, il dit, Cheikh al-Fawzan, il dit, قُلْنَا هِيَ الَّتِي يُعَبَّرُ عَنْهَا بِالتَّوَكُّلْ قَالَ فَالِسْتِعَانَةُ وَالتَّوَكُّلْ بِمَعْنَا وَاحِدْ بِمَعْنَا وَاحِدْ. Cheikh l'auteur de Ifadat al-Mustafid, dans son commentaire, il dit de ce fait, lui il dit, il considère, il dit, l'istihana, la demande d'aide, et le tawakkul, la pleine confiance en Allah Azza wa Jal, bima'na wahid, a le même sens. A le même sens, il dit. Et regardez, l'auteur ici, il explique la réalité du sens de la demande d'aide par le tawakkul. Qu'est-ce que tawakkul? Il dit, qui est un état du cœur émanant de la connaissance d'Allah. C'est lié à l'état du cœur émanant de la connaissance d'Allah, de son unicité au niveau de la création, de la loi, de la gestion des choses, du bien et du mal. Il suffit qu'ils veulent une chose pour qu'elle soit et qu'ils ne la veuillent pas pour qu'elle ne soit pas. Ce savoir oblige à compter à s'en remettre à lui uniquement et avoir confiance en lui. C'est ça, il dit, le sens de tawakkul. Pourquoi ? Parce qu'il considère que l'isti'ana, c'est tawakkul. C'est pour ça que dans cette deuxième sorte, ils ont eu une faiblesse, une déficience dans l'isti'ana. Pourquoi ? Parce que cette déficience-là, elle est liée au tawakkul. Plus leur tawakkul était diminué et déficient, donc ça a généré et occasionné une déficience, un khalal, fil isti'ana. Falahum ibada wa l'isti'ana. Iyaka na'bud wa iyaka nasta'in. Wa al-mu'min yajma' baynahuma, bayna al-ibadati wa l'isti'ana. Lakin haoula, lahum ibada, ou no'a min al-ibada, bila isti'ana. وهذا على حسب التوكل. C'est pour ça que l'auteur, regardez, il le dit très bien. Regardez, écoutez bien comment qu'il explique. حقيقة الاستعانة عملا. قال هي التي يعبر عنها بالتوكل وهي حالة للقلب تنشأ عن معرفة الله تعالى وتفرده بالخلق والأمر والتدبير والضر والنفع وأنه ما شاء كان ومن لم يشاء لم يكن فتوجب اعتمادا عليه وتفويضا إليه وثقة به ثم قال فتصير نسبة العبد إليه تعالى كنسبة الطفل إلى أبوي فيما ينوبه عن رغبته ورهبته فلو دهمه ما عسى أن يدهمه من الآفات لم يلتجئ أو لم يلتجي إلى غيرهما فإن كان العبد مع هذا الاعتماد من أهل التقوى كانت له العاقبة الحميدة ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. هذا في القسم الثالث. Une traduction, ce qu'on vient de dire, écoutez bien, c'est très pertinent et très important. Il dit, donc le véritable tawakkul, l'isti'ana, c'est quoi ? L'istirana, en réalité, il dit, c'est ce qu'on appelle le tawakkul, qui est un état du cœur émanant de la connaissance d'Allah. Vous avez vu l'observation des savants ? Chaque détail, ils l'ont observé et ils l'expliquent. Et ils l'expliquent pour qu'on puisse bien comprendre l'essence. C'est pour ça que lorsque vous lisez les livres de grands savants de la nation, vous allez voir qu'ils ont des réflexions qui sont ajib, tellement ils s'approfondissent dans les sujets et leurs questions vont loin, walillahi alhamd. Cela est dû à leur méditation. Par exemple, lorsqu'on a parlé du fait que Allah Azza wa Jal, il donne à qui il veut, subhanahu wa ta'ala, et il prive qui il veut. Allahumma al-mu'ti wa al-mani'. Allah est celui qui donne. Allah, il donne à qui il veut. Parmi les serviteurs qu'il agrée et aime, mais il peut donner aussi, donner la fortune, donner les biens, combler ceux aussi qu'il n'agrée pas et dont il n'est point satisfait. Par contre, on avait dit « Ad-din » ou « Iman » ou « Al-Huda » c'est pour ceux qu'il agrée et dont il est satisfait. Et dont il est satisfait. Il y a des serviteurs qu'il a privés. Ce n'est pas en vue de les déshonorer. Lorsqu'il donne, parfois, ce n'est pas forcément en vue de les honorer, mais lorsqu'il prive, ce n'est pas forcément en vue de déshonorer. Donc, parfois, les savants disent « La richesse, c'est une épreuve. » Et parfois, la pauvreté est l'épreuve. Mais comme la pauvreté est une épreuve, les savants disent, la richesse est une épreuve. Donc parfois, Allah Azza wa Jal peut t'éprouver avec la richesse, ils disent. La richesse est une épreuve. La réaction, ou c'est sur quoi tu es éprouvé à ce moment-là sur ton remerciement. Tu es éprouvé sur ton remerciement. Tandis que celui qui est éprouvé par la pauvreté, lui, ensuite, il va être éprouvé, et ce dont il va être testé, c'est sur sa patience. C'est sur son degré de patience. Donc lorsqu'un individu parfois est éprouvé avec la richesse, alors ensuite, c'est son degré de remerciement qui est testé, et celui qui est éprouvé avec la pauvreté, c'est son degré de patience qui est testé. Est-ce que celui qui a des biens et des bienfaits, est-ce qu'il remercie ? Est-ce que celui qui est touché par une pauvreté, une diminution de biens, est-ce qu'il patiente. Regardez la réflexion de savants. Les savants ont médité, mais quel est le meilleur des deux ? Entre un qui est prouvé par la richesse et dont lui, il doit remercier, C'est ça son test. Est-ce qu'il remercie et fait partie des reconnaissants? Ou bien un autre qui est éprouvé par la pauvreté et lui doit patienter. Il est éprouvé sur ça, il doit patienter. Si celui qui est touché par la richesse, il remercie constamment son créateur et est reconnaissant. Celui qui est éprouvé par la pauvreté, lui, il patiente. Il patiente face à cette épreuve. Les savants ont médité quel est le meilleur d'entre eux. Quel est le meilleur d'entre eux? Et certains savants ont divergé. Certains ont dit c'est celui qui est éprouvé par la richesse et qui remercie. D'autres ont dit non, c'est la pauvreté et il patiente. Ibn al-Qayyim a médité cette question. Il est rapporté qu'Ibn al-Qayyim, lui, a médité cette question et lui-même, il dit qu'il est parti interroger Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Imaginez-vous Ibn al-Qayyim, Jabal, cette montagne de science. Il était appelé Tabib al-Quloub, le médecin des cœurs. Imaginez-vous à son époque, Ibn al-Qayyim, il revient au Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah pour l'interroger au sujet de cette question. Alors il l'interrogea, il lui dit qui est le meilleur? Celui qui est éprouvé par la richesse, il remercie, il est constant dans choukl, dans le remerciement, et celui qui est touché par la pauvreté, mais il patiente. Et lui, il est constant. C'est qui le meilleur d'entre eux auprès d'Allah Azza wa Jal? Vous savez ce qu'a répondu Ibn Taymiyyah? Tout simplement. Il a dit, c'est le plus pieux d'entre eux. Inna akramakum indallahi atqakum. Al atqa. Il a dit, on regarde, c'est qui est? Qui est le plus pieux? Al atqa. On regarde celui qui est le plus pieux. Alors si celui qui est prouvé par la richesse et qui remercie constamment Allah, il est plus pieux que celui qui est prouvé par la pauvreté et qui patiente, alors il est meilleur. Et à l'inverse, si c'est celui qui est prouvé par la pauvreté et qui patiente est plus pieux, il est plus pieux, alors c'est ce qu'a considéré Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Et qui a relaté Ibn al-Qayyim dans la réponse de cela. Ensuite, Ibn al-Qayyim dit, et si les deux ont le même degré de piété? Et si les deux ont le même degré de piété? Alors, Cheikh Ibn Taymiyyah a répondu, et si les deux ont le même degré de piété? J'ai oublié. J'ai oublié la réponse, ça va. Inch'Allah, ça revienne. Et si les deux ont le même degré de piété, regardez, elle est partie jusqu'à demander si maintenant les deux, c'est le même degré de piété qu'ils ont. On continue, peut-être, Bidhila, ça va me revenir aussi, quelqu'un de vous à la réponse, cite. Al-Muhim, thumma qala, en ce qui concerne, wa yahalatu lil-qalb tanshaw an ma'rifati Allahi subhanahu wa ta'ala. Regardez l'exemple qu'il va donner, en ce qui concerne at-tawakkul. En ce qui concerne at-tawakkul. Il dit, c'est ce qu'on appelle le tawakkul, qui est un état du cœur émanant de la connaissance d'Allah, de son unicité au niveau de la création, de la loi, de la gestion des choses, du bien et du mal. Regardez, il suffit qu'il veuille une chose pour qu'elle soit, et qu'il ne la veuille pas pour qu'elle ne soit point. C'est-à-dire Allah Azza wa Jal. Il suffit qu'Allah Azza wa Jal, il veut une chose pour qu'elle soit. Mais il suffit qu'il ne veuille pas la chose pour qu'elle ne soit pas. Ce savoir oblige, donc il faut savoir cela. Plus on sait cela, plus on va avoir un degré de tawakkul, de pleine confiance en Allah Azza wa Jal. On va s'en remettre à lui complètement. Vous avez vu précédemment, il a dit, celui qui s'en remet complètement et véritablement à Allah, il peut bouger des montagnes, en réalité, avec le vrai tawakkul. Donc parfois la déficience dans l'istirana, dans la demande d'aide, elle est dans notre déficience de tawakkul. Et le fléau dans cela, c'est lorsqu'on s'en, les savants expliquent, comme ça a été cité ici, c'est lorsqu'on s'en remet au sabab. Elle est atimad, à la sabab. On fait les causes, il faut les faire les causes. Mais ensuite, elle est atimad, à la sabab, blayjouz. On s'en remet pas, c'est pas permis. Certains considèrent cela comme du shirk al-asrar. On s'en remet pas après au sabab. On fait les causes, mais le sabab, c'est qu'une cause. On s'en remet ensuite à Allah, subhanahu wa ta'ala. Regardez ce qu'il va dire. Lorsqu'on connaît Allah Azza wa Jal et on sait que rien ne se produit sans qu'il le désire et le veuille, et s'il ne désire pas une chose, elle ne peut se produire, alors s'intensifie notre tawakkul an Allah subhanahu wa ta'ala. Tafaddal. Allah Akbar. لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة أتي محمدا الوسادة والفضل يا بعض نواصل إن شاء الله. Ensuite, l'auteur, regardez ce qu'il dit, pour terminer. Lorsqu'il parle ici de Al-Isti'ana, et il fait le lien avec ce qu'on appelle At-Tawakkul. At-Tawakkul. Qala. Ensuite, regardez, il dit. فَتَصِيرُ نِسْبَةُ الْعَبْدِ إِلَيْهِ تَعَالَى كَنِسْبَةِ الطِّفْلِ إِلَى أَبَوَيْهِ فيما ينوبه من رغبته ورهبته فلو دهمه ما عسى أن يدهمه من الآفات لم يلتجي إلى غيرهما فإن كان العبد مع هذا الاعتماد من أهل التقوى كانت له العاقبة الحميدة ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. Regardez une traduction relative de ce qu'il dit. Il dit de ce fait, on est toujours sur Tawakkul et l'Isti'ana. De ce fait, ce savoir oblige à compter, à s'en remettre à lui uniquement et avoir confiance en lui. Quel savoir ? Le fait de savoir que lorsqu'Allah Azzawajal veut une chose, elle est. Et lorsqu'Allah Azzawajal ne veut pas cette chose, elle n'est point. Lorsqu'on a cette connaissance d'Allah Azzawajal, regardez ce qu'il dit. Il dit ce savoir implique alors qu'ensuite on va compter sur lui. De sorte qu'on va s'en remettre à lui. Et regardez l'exemple qu'il va donner. On va placer toute notre confiance en lui. De ce fait, regardez ce qu'il dit, c'est très pertinent. L'adorateur s'attache à lui comme un enfant qui se remet à ses parents. L'adorateur va s'en remettre à son créateur comme l'enfant qui remet à ses parents ses espoirs et ses craintes. Ses espoirs et ses craintes. Qala al-ulama. Regardez l'exemple de l'enfant. Fattiflu la yastarni an abawai. Vous avez vu que l'enfant ne peut se passer de ses parents. L'enfant, lui, il ne peut pas se passer de ses parents. De sorte. Walidhalika idha khafa yunadi alayhima. Lorsque l'enfant, il a peur, qu'est-ce qu'il fait ? Il appelle ses parents. Il appelle sa mère, son père. Lorsqu'il est dans la détresse, lorsqu'il a une angoisse, il a peur, qu'est-ce qu'il fait ? Il appelle ses parents. Pourquoi ? Parce qu'il remet ses espoirs et ses craintes à ses parents. Parce que lui, il ne connaît que ses parents. Ou idha asabahu alam aw waja' yunadihim. Ou bien s'il est touché par une douleur, s'il a mal l'enfant, qu'est-ce qu'il fait ? Yunadihim. Il appelle ses parents. Pourquoi ? Parce que lui, il s'en remet à ses parents. Li annahu la ya'lam ahadan min al-khalqi yusa'iduhu illa walidayhi. Parce que lui, il ne connaît pas d'autres personnes qui peuvent l'aider si ce n'est ses deux parents. C'est pour ça que l'enfant, lui, s'il est touché par une douleur, s'il est touché par une chose, s'il a mal, il appelle ses parents. Qala al-ulama, فالمؤمن يكون تعلقه بالله عند الشدائد أشد من تعلق الطفل بوالديه. Et les savants disent, lui le croyant, son attachement à son créateur est encore plus grand que cet enfant vers ses parents lors des difficultés. Vous avez vu la comparaison ici, l'exemple. Et là, vous allez mieux comprendre ensuite la parole. Et les savants s'appuient sur le verset 200 de la sourate Al-Baqarah. Vous avez vu le verset 200, lorsqu'Allah dit « فَذْكُرُ اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَذْكُرُ اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا » Et c'est pour ça, maintenant, vous allez mieux comprendre la parole de l'auteur lorsqu'il dit « فَتَصِيرُ نِسْبَةُ الْعَبْدِ إِلَيْهِ تَعَالَى كَنِسْبَةِ الطِّفْلِ إِلَى أَبَوَيْهِ فِي مَا يَنُوبُهُ مِنْ رَغْبَتِهِ وَرَهْبَتِهِ فَلَوْ دَهَمَهُ مَا عَسَى أَنْ يَهْدَهَمَهُ مِنَ الْآفَاتِ لَمْ يَلْتَجِي إِلَى غَيْرِهِمَا لَمْ يَلْتَجِي يعني هذا الطفل لم يلتجي إلى غيرهما إلى غير الوالدين هذا لو دهمه ما عسى أن يدهمه من الآفات فإن كان العبد مع هذا الاعتماد من أهل التقوى كانت له العاقبة الحميدة كانت له العاقبة الحميدة وفقا لقول الله جل وعلا ومن يتق الله يجعل له مخرجا مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حزبه ثم قال في القسم الرابع قال القسم الرابع في قول الله جل وعلا إياك نعبد وإياك نستعين قال من له استعانة بلا عبادة من له استعانة بلا عبادة هذا العكس تماما القسم الثالث كان له عبادة بلا استعانة والقسم الرابع له استعانة بلا عبادة كيف هذا قال من له استعانة بلا عبادة وتلك حالة من شهد تفرد الله عز وجل بالضر والنفع ولم يدري ما يحبه ويرضاه فتوكل عليه في حظوظه فأسعفه بها وهذا لا عاقبة له سواء كانت أموالا أو رياسة أو جاها عند الخلق أو نحو ذلك فذلك حظه من دنيا وآخرته ثم قال واعلم أن العبد لا يكون متحققا بعبادة الله تعالى إلا بأصلين أحدهما متابعة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم والثاني إخلاص العبودية ثم قال والناس في هذين الأصلين أربعة أقسام في المتابعة متابعة الرسول وفي الإخلاص متابعة والإخلاص قال الناس في هذين الأصلين يعني في المتابعة وفي الإخلاص على أربعة أقسام أهل الإخلاص والمتابعة القسم الأول أهل الإخلاص والمتابعة فأعمالهم كلها لله وأقوالهم ومنعه وعطاؤهم وحبهم وبعضهم كل ذلك لله تعالى كل ذلك لله تعالى لا يريدون من العباد جزاء ولا شكورا وإن شاء الله بقية الكلام إن شاء الله يكون في حلقة قادمة بحول الله جل وعلا نكتفي بهذا القدر ونواصل الكلام بحول الله جل وعلا في يوم غد والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيكم